il est le petit? Et où il est? Et où il est le petit? Il est où? Ouh là là là là, ça recouvre! Il est où? Yeah, tu cliques, on claque du fric. Je déclare public tous tes principes anarchiques. Le chic, pour mettre le nez dans les mauvaises affaires. Il y a trois points mauvais. Ces commerçants, marchands de tapis, mes bons sangs, tes jolies nubiles de sang, je les passe à notre sang. Ça va, ça vient. Il reste deux catégories dans ce pays. Et ça sent la fumisterie comme le rôti. J'ai appris et subi par impulsion. C'est de savoir toujours où j'en suis. En action, à la maison, il y a des raisons pour ne plus côtoyer les bourgeois qui se plaignent les premiers mais qui ne dépensent jamais. Ou le montrent jamais, mais jamais ils sont torts. Jamais de dire jamais, mais si jamais, jamais raison. Bien que tu me payes en nature, ils nous le font à la dure. Le cash, c'est de la pure. Pas de besoin de faire une cure, j'assure. T'alignes ton temps et j'alimente ton cerveau comme une gastro. Aujourd'hui, les infos, c'est de nouveau la peur qui domine. Ça donne envie de vivre pour que le lendemain tu prennes un crédit pour que tu subisses. Cela te pousse dans le précipice. Tu veux être crédible, mais dans la Bible, ce n'est pas expliqué. Il n'y a que de la pauvreté, mais de ta volonté pour avancer, on me dira pas où je vais aller. Car j'ai la loyauté à moi, je veux être honnête. C'est pas que je sois fier, mais c'est ma façon d'être. Je me suis jamais retrouvé dans une fourgonnette, mais t'inquiète, qu'on nous prend pour des toilettes, avec leurs jets et leurs poulettes. Système qui marche avec drogue, sexe, violence, armes à feu et terroristes. C'est comme une levrette, Sarkozy veut te la mettre. Viens que tu me payes à nature, il nous la faut à la dure. Le cash c'est de la pure, pas besoin de faire une cure, j'assure. Bien en dessous les grossiers sont détaillants, c'est hallucinant tous ces commerçants qui nous taxent. Les commissions en pot de vin, des décisions sont prises pour nous, cela devient critique. Pas moyen de monnayer, les stratégies c'est de se tenir pour agir. Avoir le choix en 2011, on n'y croira plus. Gouvernement qui réforme, ils ont la grossesse et nous prennent pour des marionnettes. Réellement on souhaite s'enrichir et par définition on veut pas s'excuser d'être exclu d'une société où il faut travailler pour pouvoir dépasser et critiquer. C'est aussi qu'on n'a pas trop le choix, c'est pourquoi on se demande là où on en est. C'est toujours moi qui achète, toi qui encaisse, et quand ça te blesse, tu nous envoies les CRS.